Ça, c'est le tube qui vous fait toujours plaisir. Faire et cher d'épaule le gola. Voilà comment je suis devenu. Mokondinanga Dinoël Ngoya. Guilouemba ya Métiol. Junior Aziz. Jacques Mayito. Salem service au komi bipale boye. Au komi ensemble boye. Na simbi batouche potenga na linga kayo mingi. Na komi kobeta baturuka matina quartier na bino. Ma master quartier ba komi kotongo ngaina masolo. Soki na leki eba lobaka leki. Edith kilanda moko mawa e aleki e. Président Pek. Aleki mawa ake kotala Salem. Na baye, pokwa nyoso na yaka na kutaka na nga kaka yete. Corps coordinateur Balo binga na tinga mayopona mbongo. Balo binga na tinga mayopona mbongo Salem. Lobe noko nina ngosyo somela nga kome souvenir. Mav ma vinga. Kolia na liaka senga imoko. Kolata mpe na lataka senga imoko. Soki jipe mindi ate ba mastato alita chamala. Nani mosusu ozo kisi mote manangai. Papa, ponini obebi sinzo tombo. Shiro chamala. Pona maloba ya kinsasa Jean-Jacques Mutuale. Francimbala Shiro. Pona songi songi ya kini wayo Tonino Fernando. Oh, mamani. Basse lengi Jemila Tirbo. Pierrot Leblanc. Mav Mavinga Chiba Chibasu Trésor Ngando Dajou Mbombasi Salem service garçon à Paris. Yo moto la ki soit appliqué poli moyayay. Montana Kabumbay. Yo moto la ki soit appliqué poli moyayay. Serge Pachuti Caprice Gola bébé à papa. Yo moto la ki soit appliqué poli moyayay. Sama molili mwena ningana ezali ite. Jacques Mayito Mathieu Bicherera Washington ne grand pays. O baby si bolingo e komi lokola ndembo ya makolo imana na vita e. Jojo Abiba Bilimana Mazembe sanga balende lipopo. Bebe Bambale Shikito Lila Blanchard Kilombo. Vous êtes zangi mumba babamba kama bangateo. Au cœur en sepe na mokili oyo. Je me basona kana moto leki niveau. Yoka kolela la kaka kaka kama taneo na yaba kate. Ya chofisa papa. Yaka kongo la katoro na lopa mama mabo kilo. Basa singa kwa sasa. Babo minga kwa bomao. Mwana mama ya na samwe. Vibration, vibre bango. O pepa sobe koki kobo mamote koki peko pelisa babani sa kebe mbete. Kinza mape sanga souffle de vie pour moi pa boye. Patin bimani ya mamoto. Na maleme maleme di jenso mwa se kaka mana zane lo kote. Leni Bidan Ike Kapela Tcheri Kola Irite Estrame na fise Tumulu Kola Bana Mabasa Na Kobanga Kuki Kasi Zemi Ite Yoka Kole La Kliso Shwep Dajoun Lombasi Jamalenga. Prino Mako. Bokotongonga poronini Lobi kubaka mabele baya basita musampai Jerry Musampai Lobi kuna epanangai eko wakama Kiboko polo na wanzu Vasko mabiala Azwa kalokola na sambo Kukwanga na zala komplekse Na wela kifote Alino sende sende Sechai mokili na long Jerry Biangani Gotye maskota lukana tembe Mbase baba Maochitea Angel Moussoua Ilozo Mouna Likate Oye Yo vraiment zala zala la vie nanga Miguel Panzi Yo vraiment zala zala la vie nanga Nelson Antibar Charlie Manero zala zala la vie nanga Yusele Vande Marielle Manayala Basile Engi Pierrot Leblanc Olingi nama mwanande keluka tocha kuna Nemoumele mwana matadi Mombaru enzo ringa na bele na boka mubimba bayo kangai Parce que chérie, tu m'as ravi mon cœur. Dans ton amour, premier qu'elle fait. Allez, Wolonji, fais le beaucoup qui nous a. J'ai fait qu'attendre. C'est avec raison que je t'aime. Pour pas m'adorer. Toi, Sanka, y'a ni la rafou, et soir, y'a pas de moi. Y'a, y'a, y'a, y'a. Yonde motema nanga, jile ziyo mele mawaye Yonde mabazo manga, mami ingemba mawaye Bolingo ye lamba ma, na fumbo yo amosaka ma Bolingo ye lamba ma, ferro kabesa ye Papi kambemo Mawana bango, oh oh, ba jalue Lekinga Batundi ma iragi Lekinga de la chanson Dio di siècle, Charlie Malema, Kilo Mouchi, fin 2008 qui est derrière toi, préparez-vous.